image brillamment restituée. Son stéréo exceptionnel. 60 présélections et les satellites. Un design hors du commun. Philips, c'est déjà demain.